fils d'Afrique a embrasé les podiums. Il a semé le rythme et récolté le succès. En nous montrant que la musique est une clé qui ouvre les cœurs et brise les frontières. Oulila Théo, Zakaka Nangamo, Yesusu, Kasinawete, Eza Semobemo, Yalibela, Lolenge, Yahweh Alobakye, Avandi Seko Seko. Oyaki Mabele, Okuzunga Mabele, Ai, Yakopa Mwisa, Maina Miso, Mono Yaya Idina Lae, Wawawa, Maina Miso, Maina Miso. Mazangaza Mumeso, Bidilu Ndonamzo. Tamanya. Oh, my. mabele, toko zonga mabele, dole la bonye, mokili kaka bonye. Thank you. On travaille au soukous.